bon. Il y en a qui veulent jouer plus vite là. Tu bosses toute ta vie pour payer ta perte sans balle. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Social, tu perds ton sang-froid. Ah, ça y est, ça va plus vite là. Ça va même pas assez vite pour toi, Phil. Tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Son sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Tu connais pas métro, c'est trop. La promo vacances. Prenez-en un enfant et faites-en un roi. Couvrez de l'or et de diamants. Cachez-vous en attendant. Vous n'attendrez pas longtemps. Tout autour de l'enfant. Bien joué ce morceau là. Une personne s'est fait ça. Oui, tu sais pas jouer celui-là. Argent. Ouais. On est un enfant, elle fait tes endroits, couvrez le d'or et de diamants. Cachez-vous en attendant. Bon, on zappe. Fleur de ma ville. Ah, j'aime bien celle-là. J'ai dans ton guichet ton pot de laquille, ton mélodie, ton léon. T'es détenu, ta sainte journée. Oh putain, c'est dur ce soir. Je vivrai à New York avec toi. Je vivrai à New York. Je vivrai à New York avec toi. Toute la nuit déconner et voir ton film en entier sans toi. Avant la vie partagée, quand il y a versé par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel et la paix, traîner fatigué et mon cœur se serrer, voir leur cœur se vider et saigner. Voir si le cœur de la vie bat en toi, et tu m'emmèneras. Un jour j'aurai New York au bout des doigts, on y jouera, tu verras. Quand les clubs font noir, mais il ne fait pas froid, il ne fait pas froid. J'y crois. Mais ça va pas plus vite normalement ce morceau.